guy, Eric Dabado, I've got the culture. Big up to all the artists nowadays, ridiculous. All the people out there is so ridiculous. With the masks, with everything around. I saw the film, you know, Warner Bros. And everything around. Steven Spielberg and Stephen King. You know all the stories. But I'm here to tell the truth. Nothing about the truth. Nothing above. Nothing above. Always, all days, the same challenge. How to compare, how to put something on the left or on the right. Approaching is a difficulty. And so I'm there. Esperanto. Tu sais, il y a tellement de challenges dans cette vie. Tu sais qu'il n'y a même pas de vous regarder à droite, à gauche. C'est Dieu seul juge. C'est tout sous. Tu sais, on est là. Vis-à-vis de nous-mêmes. On n'a pas besoin de miroir. On est là en train d'avoir des frissons. On n'a pas beaucoup de fièvre. Mais on est là pour raconter ce que beaucoup veulent achever, jalouser. Il y a toujours les mêmes stories qui se viennent là pour la compétition. Et moi, je deviens con. C'est toujours la même story. Et ça se répète comme une boucle. Et moi, je veux mettre fin à cette spirale. Parce que tu sais exactement que j'exagère pas du tout. J'exagère pas du tout. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on avance au milieu de ce système. Parce qu'on est tous comme des cristaux autour, cristallisant dans les pensées, les bonnes. Parce que sinon, le temps se serait déjà écroulé sur cette terre. Alors, mes frères, restez sincères. Revenez à la bonne. Prenez votre temps. Ah, il n'y a personne.